الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى on continue l'étude du livre qui s'appelle 100 سؤال وجواب في العقيدة 200 questions et réponses dans l'عقيدة et on est au deuxième cours. On a expliqué que ce livre enseigne aux musulmans la croyance qu'il doit avoir et la croyance sans laquelle il ne peut pas être musulman. Et il l'enseigne avec une manière particulière sous forme de questions et réponses. Et c'est une manière d'enseigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on l'a dit la semaine dernière. Et l'auteur du livre c'est Hafiz ibn Ahmad ibn Ali al-Hakami rahimahullah ta'ala. Et la semaine dernière on s'était arrêté à la cinquième question. C'est-à-dire qu'on en a lu 5. La première question était ma awwalu ma yajibu 'ala al-'ibad. Quelle est la première obligation qui concerne les serviteurs d'Allah? Et on a dit que les serviteurs d'Allah ont pour première obligation de savoir la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla les a créés. La deuxième question, ma huwa al-amru alladhi khalaqa Allah al-khalqa li ajli. Quelle est la raison pour laquelle Allah a fait exister ou a créé ses créatures? La réponse, c'était pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième question, ma ma'na al-'abd? Que signifie le serviteur, celui qui adore Allah? Et comme on est en train de voir, les questions, elles sont faites dans un ordre bien particulier, pour monter petit à petit. Et on a expliqué que l'abd, il se divise en deux. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala de bon gré, celui qui adore Allah azza wa jal de mal gré, celui qui adore Allah de sa propre volonté, celui-là c'est le muslim le mu'min, il fait de sa propre volonté, il obéit à Allah azza wa jal, et celui qui désobéit à Allah mais qui reste quand même un serviteur d'Allah parce qu'il ne peut pas se passer d'Allah. Il ne peut pas se passer de l'eau, il ne peut pas se passer de la nourriture, il ne peut pas se passer de tout ce qu'Allah donne. Donc, quand il va chercher la subsistance, quand il va chercher la nourriture, quand il va chercher les médicaments pour se soigner, il demande à Allah, qu'il le veuille ou non. Donc, c'est un serviteur d'Allah. Allah Azza wa Jal nous parle de ces deux types de serviteurs, ou de ces deux catégories de serviteurs dans le Coran. Celui qui obéit à Allah de bon gré. Allah dit dans le Coran, « Alayhi sallahu bi kafin abdah » عبده هنا الذي يعبده بإرادته. Donc dans ce verset Allah Azza wa Jal a dit Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Le serviteur ici c'est celui qui adore Allah de bon gré. Et dans l'autre verset Allah Azza wa Jal a dit إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre viendront en serviteur au miséricordieux, c'est-à-dire soumis, qu'il le veuille ou non. La quatrième question, ma hiya al-ibad? Quelle est la signification de l'adoration? Qu'est-ce qui me donne la réponse? Rapidement. Ibrahim. C'est toutes les paroles et les actes apparents cachés que Allah il a créé. Exactement. La signification de l'adoration, qu'est-ce que ça veut dire al-ibad? Kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah. من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Tout ce qu'Allah aime et tout ce qu'Allah agrée comme parole ou comme acte apparent ou caché. C'est-à-dire tout ce qui vient de ta langue qu'Allah aime, tout ce qui vient de tes actes qu'Allah aime, tout ce qui vient de ton cœur qu'Allah aime, tout ça, ça s'appelle une ibada, une adoration. Un exemple des paroles de la langue: Subhanallah, la lecture du Coran, passer le salam, faire une nasiha à quelqu'un, etc. Un exemple d'un acte qu'Allah aime, l'accomplissement de la prière, l'accomplissement du pèlerinage. Un exemple d'un acte caché qu'Allah aime, c'est-à-dire un acte du cœur, l'amour d'Allah, la peur d'Allah, l'espoir en Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, on est arrivé à la cinquième question qu'on n'avait pas complétée, qu'on n'avait pas... C'est bon. Qu'on n'avait pas terminé. La cinquième question c'était: Mata yakunu al-amalu ibada? quand est-ce que l'acte devient une adoration? Pourquoi on pose cette question? Parce que on vient d'expliquer dans la question précédente, alaykum salam, que l'adoration signifie tout ce qu'Allah aime comme acte et parole. Et comment on sait maintenant quand est-ce que l'acte devient une adoration? Comment on peut savoir lorsque je bois un verre d'eau, est-ce que c'est une ibada ou pas? Lorsque je fais quelque chose, lorsque je mange, est-ce que c'est une ibada ou pas? On va y arriver, Amir Abay. Allah y bénéfique. Donc la réponse c'est quoi? إذا كمل الجواب إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. C'est-à-dire que l'acte devient une adoration lorsque deux choses sont complètes avec. C'est-à-dire lorsque tu fais complètement ou correctement deux choses, cet acte devient une adoration. C'est-à-dire que lorsque tu fais un acte, une ibada, sans une de ces deux choses-là, ce n'est pas une ibada chez Allah Azza wa Jal. Et pour que ce soit une ibada, une adoration chez Allah Azza wa Jal, il te faut absolument avoir ces deux choses-là dans tout ce que tu fais pour obéir à Allah Azza wa Jal. Quelles sont donc ces deux choses? La réponse, kamal al-hubbi, c'est-à-dire l'amour d'Allah, l'amour total. C'est-à-dire que lorsque tu fais n'importe quel acte avec lequel tu recherches la récompense d'Allah Azza wa Jal, tu dois le faire parce que tu aimes Allah. Tu ne dois pas le faire juste parce que c'est une obligation ou juste parce que c'est obligatoire. Tu le fais parce que tu aimes faire ça. Chaque chose qu'Allah Azza wa Jal t'a légiféré ou t'a demandé de faire, tu dois le faire parce que tu aimes Allah et parce que tu aimes faire ça. Et c'est ça le croyant. Le croyant, il ne fait pas une chose parce qu'il est contraint, parce que sinon il va se faire punir ou châtier. Là, il fait parce qu'il aime Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, ma'a kamal et dhul, c'est-à-dire avec l'humiliation devant Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toi, tu reconnais que tu es un abd dha'if, tu es un serviteur d'Allah, tu es faible. Tu as besoin d'Allah. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid. Al-ghani la yahtaj ilaykum. Al-hamid yastahiqu al-hamd Azza wa Jalla. Donc Allah dans ce verset nous dit, vous les hommes, vous êtes les besogneux envers Allah. C'est-à-dire, vous avez besoin d'Allah Azza wa Jalla. Vous ne pouvez pas vous passer d'Allah. Vous êtes faible. Lorsque vous êtes malade, ce n'est qu'Allah qui vous donne la guérison. Lorsque vous avez faim, ce n'est qu'Allah Azza wa Jal qui vous donne la nourriture. Lorsque vous avez soif, ce n'est qu'Allah Azza wa Jal qui vous donne à boire. Allah Azza wa Jal a dit dans le hadith al-Qudsi, un hadith Qudsi c'est une parole d'Allah qui n'est pas dans le Coran, mais que Allah a dit à Jibril, puis Jibril l'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans que cette parole fasse partie du Coran. Il est rapporté par Muslim selon Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, Allah Azza wa Jal a dit, يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهديكم. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, tous perdus, sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi donc de vous guider, je le ferai. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, vous avez tous besoin de manger, vous avez tous faim, sauf celui à qui je donne la nourriture. Demandez-moi de vous nourrir et je vous donnerai la nourriture. Ya ibadi kullukum alin illa man kasawtum fastaksuni aksukum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus sauf celui que j'ai vêti, sauf celui à qui j'ai donné des vêtements. Demandez-moi donc des vêtements et je vous en donnerai. Donc Allah Azza wa Jalla nous explique qu'on ne peut pas se passer de lui. C'est pour ça que les compagnons du prophète radiyallahu anhum, les sahaba, ils invoquaient Allah et ils demandaient à Allah toutes choses. Même lorsqu'ils mettaient les claquettes qu'on appelle les tongs. Les tongs, c'est les claquettes dans lesquelles il y a une ficelle qui passe entre les deux doigts de pied. Le pouce et le deuxième. Je ne sais pas comment on dit. Al-Muhim, cette claquette-là, quand la ficelle qui passe ici entre les deux doigts, elle se craquait, ils levaient leurs mains et disaient à Allah, donne-moi-en une autre meilleure. Pourquoi? Parce que c'est ça le 'abd al-dha'if. le vrai Abdallah, le vrai serviteur faible qui ressent le besoin qu'il a envers Allah Azza wa Jal. Toi, quand tu regardes la création des cieux et de la terre, quand tu médites, tu te amal fi khalqi samawati wal ard, tara dha'fak wa quwwat Allah wa hajataka ila Allah Azza wa Jal. Quand tu regardes tout ça, tu vois ta faiblesse et la force d'Allah. Tu vois que tu es incapable et Allah il est capable de tout. Donc qu'est-ce que ça va faire dans ton cœur? Tu vas te rabaisser devant Allah. C'est ça qu'on appelle kamal al-dhul. Toi, quand tu fais salat lillah azza wa jal, tatadallalu lillah, tu te rabaisses devant Allah azza wa jal. Quand tu donnes de la zakat ou quand tu payes l'aumône ou tu donnes une sadaqa, tu le fais parce que tu te rabaisses devant Allah. Ya Allah, anta alladhi ataytani hadha al-mal wa ana atadallalu laka bitasadduq bihi. Oh Allah, tu es celui qui m'a donné cet argent. Et je me rabaisse devant toi en donnant un peu aux pauvres. فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ كَمَالِ حُبِّ اللَّهِ وَكَمَالِ ذُلِّ الْعَبْدِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَّا فَهَذَا الْعَمَلْ لَيْسَ عِبَادَةٍ. Chaque adoration a besoin pour être correcte de l'amour en Allah, Azza wa Jal, l'amour d'Allah total, et deuxièmement, de l'humiliation devant Allah. Tu dois te rabaisser, tu dois te sentir faible devant Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on a besoin de la preuve de ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça que le shaykh a dit, قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. Et ceux, Allah, donc il a apporté le verset où Allah dit, et ceux qui ont cru sont plus ardents dans l'amour d'Allah. Yani, ils sont plus forts que les autres dans l'amour d'Allah. Ils aiment Allah plus que quiconque parmi les gens. Pourquoi? Parce que هم الذين آمنوا فإذا هم الذين أشد حبا لله لأن المؤمنين يحبون الله عز وجل. Parce qu'ils sont les croyants. Et les croyants sont ceux qui aiment Allah plus que tout. Donc Allah عز وجل nous a expliqué dans ce verset que les croyants, ils sont croyants parce qu'ils aiment Allah. Donc celui qui n'aime pas Allah, il n'est pas croyant. Donc celui qui n'aime pas Allah, il n'adore pas Allah. Donc celui qui n'aime pas Allah, الذي لا يحب الله لا يعبد الله عز وجل. Il ne peut pas adorer Allah. Donc on a compris que pour être un croyant, il faut aimer Allah. Et pour adorer Allah, il faut aimer Allah Azza wa Jal. La deuxième chose, وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Mu'minun, dans plusieurs versets, il va nous donner des descriptions de ceux qui ont peur d'Allah et de ceux qui veulent rentrer au paradis. Et parmi les descriptions de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils sont? Allah a dit, certes, ceux qui sont pénétrés de la crainte de leur Seigneur, c'est-à-dire que la peur d'Allah est rentrée dans leur cœur. Ils ont complètement peur d'Allah, Azza wa Jal. Pourquoi ils ont peur d'Allah? Parce que quand ils regardent les péchés qu'ils ont, le mal qu'ils font, et tout ce qu'Allah leur a donné comme bien et comme ni'ma, ils sont obligés d'avoir peur d'Allah. Quand ils entendent la description de Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, comment ça va se passer, ils sont obligés d'avoir peur d'Allah. Quand ils entendent par exemple le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, hadith al-Shafa'a al-Tawil, le grand hadith qui est appelé hadith al-Shafa'a, quand on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que les gens vont attendre le commencement ou le début du hisab, du jugement. Et ce jour-là, il va durer 50 000 ans. Et le soleil va descendre tellement bas que les gens vont commencer à transpirer. Et en fonction des péchés des gens, les gens ils vont transpirer plus ou moins. Plus il a fait des péchés, plus il va transpirer. Certains vont transpirer jusqu'à la cheville. Certains vont transpirer jusqu'au genou. Certains vont transpirer jusqu'à la hanche. D'autres jusqu'à la clavicule, d'autres jusqu'aux oreilles, jusqu'à se noyer dans la transpiration à cause de leur péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les gens, ils vont attendre. Ils ne pourront plus supporter l'attente. Ils vont se diriger vers Adam alayhi salam. Et ils vont lui demander, ya Adam, tu es le premier qu'Allah a créé. Allah t'a créé de Turab avec sa main, Azza wa Jal. Demande à Allah qu'il fasse commencer pour nous le jugement. Adam va refuser, il va dire, allez voir Nuh. Nafsi, allez voir Nuh. Et tu Nuh an awwal rasulin ba'athahu Allah. ilaha lil'ard. Aujourd'hui, je ne peux penser qu'à moi. Allez donc voir Nuh et demandez-lui. C'est le premier messager qu'Allah a envoyé sur terre. Ils vont aller voir Nuh. Nuh alayhi salam, il va répondre nafsi, nafsi. Et il va envoyer les gens vers les autres prophètes jusqu'à ce qu'ils vont passer par Moussa. Moussa pareil, il va leur dire allez voir Isa. Isa pareil, il va leur dire nafsi, nafsi. Allez voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont aller voir Muhammad alayhi salatu wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il va dire allez pour moi. Yani ash-shafa'a, ana ashfa'a. Bi-idhnillah azza wa jal. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se prosterner. Sayasjudu tahta al-arsh alayhi salatu wa sallam. Il va faire une prosternation en dessous du arsh. Et puis il a dit قال فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد لم أكن أعرفها الله علمنيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il va invoquer Allah Azza wa Jal et il va faire beaucoup de dua et Allah il va lui inspirer des invocations. Il va lui mettre dans la tête des invocations qu'il ne connaissait pas sur terre, avec des noms d'Allah qu'il ne connaissait pas. Et il va se mettre à invoquer jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal va dire ya Muhammad irfa ra'sak, oh Muhammad lève ta tête, wa sal tu'ta, et demande, on te donne ce que tu veux, wa qul tusma', et dis, on va t'écouter, wa shfa' tushfa', et intercède, l'intercession va t'être accordée. Donc tu vois, quand tu entends tout ça, tous les prophètes ils auront peur d'Allah, alors que les prophètes ils désobéissent pas à Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qu'Allah aime le plus. Et bien, il va se prosterner devant, en dessous du arche, et il va attendre qu'Allah lui donne la permission. Quand tu vois, Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءِ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lorsque le ciel va complètement se déchirer, jusqu'à ce qu'il va ressembler à une rose, الورد المعروفة, la rose, tellement qu'il va être les lumières qu'il y aura ce jour-là. Parce que tu entends Allah Azza wa Jal qui dit فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَدُكَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَدُكَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ سُورَةِ الْحَاقَةِ وَدُكَّتِ الْأَرْضُ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Allah Azza wa Jal a dit, lorsque l'on soufflera dans la trompe, Israfil alayhi salam, il va souffler dans la trompe pour dire aux gens que le jugement va commencer. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Allah Azza wa Jal va soulever le ciel et la terre. Il va ordonner à ce qu'on les relâche d'un coup. Et ils vont complètement s'éclater et ils vont se transformer en poussière. Comme Allah a dit dans l'autre verset, et il t'interroge sur les montagnes, dit mon serviteur va les faire, il va les faire complètement fondre ou disparaître. Donc, Monseigneur. J'ai dit quoi? Mon serviteur. Monseigneur, Efra. Donc, ensuite, Allah Azza wa Jal dit que le ciel va se déchirer et il va devenir faible. Le ciel, il va s'affaiblir. Pourquoi? Par peur d'Allah, Azza wa Jal. Et les anges, ils vont aller se mettre aux côtés des cieux. Ils vont plus rester au milieu. Ils vont aller se mettre sur la gauche, sur la droite, tellement ils auront peur d'Allah, Azza wa Jal. Et Allah dit, et ce jour-là, l'événement va se produire. Quel événement? Tous les gens vont rendre des comptes à Allah, subhanahu wa ta'ala. Toi, quand tu entends des versets comme ça, et bien d'autres encore, qu'est-ce qu'il y a dans ton qalb? Al-khawf min Allah. Obligatoirement la peur d'Allah. Quand tu sais ce qui t'attend devant Allah, tu oublies d'avoir peur d'Allah. Donc tu vas adorer Allah avec quoi? Tu vas t'humilier devant Allah, tu vas te rabaisser devant Allah et tu vas dire ya Allah ana faqir ana da'if, comme le verset qui a été récité dans Salat al-Maghrib. Moussa alayhi salam, il a levé ses mains, c'est quoi le verset? فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ. Moussa alayhi salam, il est parti se mettre à l'ombre et il a dit, oh mon Seigneur, j'ai besoin de ce que tu dois me donner. Je suis pauvre, je suis faible, ya Allah, aide-moi. Donc c'est comme ça que le serviteur il est, et c'est ça l'ibadah. L'ibadah, mahabbatullah wa dhullu lahu subhanahu wa ta'ala. Et Allah, وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله. Et Allah a assemblé ces deux choses-là, al-mahabba, l'amour et l'humiliation, dans la parole, dans le verset. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jalla, il nous parle des anbiya. Ce verset, il est dans sourate al-anbiya, les prophètes. Après qu'Allah, il ait parlé de beaucoup de prophètes, il nous fait une conclusion. Et il nous dit, innahum kanu yusari'una fil khayrat. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Allah dit que les prophètes se précipitaient vers le bien. Ils accouraient au bien. Et ils invoquaient Allah رَغَبًا أي مَحَبَّةً وَرَهَبًا أي خَوْفًا وَذُلًّا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Donc ils se précipitaient à aller faire les bonnes actions, à faire le bien. Et en plus de ça, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala avec amour et crainte, et ils étaient humbles devant nous, c'est-à-dire alaykoum salam, ils s'humiliaient et se rabaissaient devant Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan mata yakunu al-amal ibada idha kana fihi hubbullah wa dhullu al-'abd lillah. La sixième question: maintenant qu'on a vu que l'ibada, il faut aimer Allah pour le faire, la sixième question, c'est la suite à ça. ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ ما الدليل على أنك تحب الله سبحانه وتعالى؟ Quel est le signe nous montrant que le serviteur aime son Seigneur? Maintenant, on a compris que pour faire une adoration, il faut aimer Allah. Mais beaucoup de gens disent on aime Allah. Et lorsque un peuple a prétendu aimer Allah, ils ont dit nous on aime Allah. Allah عز وجل a descendu un verset. أنزل الله عز وجل قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. C'est-à-dire, dis ya Rasulallah à ces gens-là, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Qui? Rasul alayhi sallam. Suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Le verset est dans sourate Ali Imran. Et ce verset, il a été appelé par les savants Ayatul Mi'na, le verset du test, ou le verset de l'épreuve. Allah Azza wa Jal, avec ce verset, il a testé ces gens-là. Est-ce que vraiment vous aimez Allah? Voici la preuve maintenant. Si vous suivez le prophète, ça veut dire que vous aimez Allah. Si vous ne suivez pas le prophète, ça veut dire que vous n'aimez pas Allah subhanahu wa ta'ala. La réponse à cette question, alamatu dhalik an yuhibba ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yubghida ma yuskhitu fayamtathilu awamirahu wa yajtanibu manahiyah ويوالي أولياءه ويعادي أو أعداءه ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. Donc la réponse à cette question, quel est le signe qui nous montre que le serviteur aime son Seigneur? Nous on vient d'en voir un qui est le suivi du prophète alayhi salatu wasalam, et il n'a pas été mis dans le livre. Celui qui a été mis dans ce livre, c'est plus global, c'est plus général. La réponse, la preuve montrant que le serviteur aime son Seigneur, c'est qu'il aime tout ce que son Seigneur aime. Et il déteste tout ce que ton Seigneur, tout ce que son Seigneur déteste. Et par conséquent, qu'il mette en pratique ses obligations. Et qu'il délaisse ses interdictions. Et qu'il prend en allié les alliés d'Allah. Et qu'il prenne en ennemi les ennemis d'Allah. Pour ça, l'anse la plus solide de la foi est le fait d'aimer en Allah et de détester en Allah. On va résumer toute cette parole. Quelle est la preuve que tu aimes Allah? La réponse, c'est que tu aimes tout ce qu'Allah aime. Un exemple. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Anta alayka an tuhibba at-tawwabin wa tuhibba al-mutatahhirin. Toi, il est obligatoire d'aimer ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Limada? Pourquoi? Qu'est-ce qui me répond rapidement? Non, parce qu'Allah Azza wa Jalla les aime. Donc, tout ce qu'Allah aime, tu dois l'aimer. Tout ce qu'Allah déteste, subhanahu wa ta'ala, tu dois le détester. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, le peuple de Qarun, ils ont dit à Qarun, إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أي المتكبرين المتكبرين. Donc Allah Azza wa Jalla n'aime pas les gens orgueilleux, ceux qui se vantent et qui se sentent meilleurs que les autres, ou qui croient lorsqu'ils ont une chose que eux le méritent et personne d'autre que eux le mérite. Allah, il n'aime pas ça. Il n'aime pas les gens orgueilleux. Le peuple de Qaroun, ils ont dit à Qaroun, attention, Allah t'a donné de l'argent, mais il ne faut pas que tu sois orgueilleux. Il ne faut pas que tu éprouves de la joie à un point où tu vas devenir orgueilleux, parce qu'Allah n'aime pas les gens qui sont orgueilleux. Donc toi, tu ne dois pas aimer les orgueilleux. Tout ce qu'Allah aime, tu dois l'aimer. Tout ce qu'Allah déteste, tu dois le détester. Donc tu dois aimer les croyants. Et les kuffars, tu ne dois pas les aimer parce qu'Allah Azza wa Jalla dit Innahu la yuhibbu al-kafirin. Certes, Allah n'aime pas les mécréants. Et aussi que tu mettes en pratique tout ce qu'Allah t'a ordonné de faire et que tu aimes faire cette chose-là. Lorsque tu pries pour Allah et tu aimes faire cette chose-là. Lorsque tu ne mens pas, parce que mentir c'est une interdiction, tu délaisses le mensonge parce que tu n'aimes pas mentir. Pas juste parce que tu vas avoir un péché ou juste parce que tu vas être puni, mais parce que tu n'aimes pas mentir. Donc tout ce qu'Allah aime, toi tu dois l'aimer. Et tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala déteste, tu dois aussi le détester. Et tu dois prendre en allié les alliés d'Allah. Man awliya'ullah al-mu'minun. Qui sont les alliés d'Allah? Les croyants. Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset, Allah waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié des croyants. Il les fait sortir des dhulumats, des ténèbres, de l'égarement, du mal, du shirk, du kufr, de la bid'a, del fisq, del ma'siyah, de l'innovation, de l'association, de la mécréance, des péchés vers an-nur, la lumière. Nour al-ta'a, nour al-ibad, wa hakada. Vers la lumière de l'obéissance, vers la lumière des bonnes actions. Donc Allah est l'allié des croyants. Et les alliés et les croyants sont les alliés les uns les autres. Allah Azza wa Jalla a dit wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Allah Azza wa Jalla a dit les croyants et les croyantes sont alliés les uns avec les autres. Donc ces gens-là, tu dois les prendre pour alliés. Donc tu n'as pas le droit de détester un allié d'Allah. Tu n'as pas le droit de détester un croyant, quelqu'un qui obéit à Allah. Surtout celui qui fait des efforts le plus pour s'accrocher à la vérité et pour s'accrocher aux ordres d'Allah. Quand il fait une chose, il le fait parce qu'Allah lui a dit de faire. Et quand il ne fait pas une chose, il ne le fait pas parce qu'Allah lui a interdit de le faire. Comment toi tu peux détester quelqu'un comme ça? Et ça on le voit beaucoup. On le voit beaucoup. Que ce soit dans des familles musulmanes ou bien les musulmans entre eux, quand quelqu'un essaye de suivre une chose parmi les choses de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'on va lui dire c'est que tu nous as ramené une religion nouvelle et que tu es dur et que tu es... Et ben celui-là il a une faiblesse dans l'amour d'Allah azza wa jalla. Il n'aime pas Allah correctement. Comment tu peux reprocher à quelqu'un d'obéir à Allah et de mettre en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et plus la foi elle monte, plus l'amour d'Allah il monte, moins tu vas critiquer ceux qui s'accrochent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière chose que tu prennes en ennemi, les ennemis d'Allah azza wa jal. Allah azza wa jal a des ennemis. Et les ennemis d'Allah ont été cités dans la suite du verset. Wa alaykum salam. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et ceux qui ont mécru, leurs alliés sont ceux qui sont adorés en dehors d'Allah. Leurs alliés sont tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah. Ils les ont fait sortir de la lumière, lumière du khayr, la lumière de l'obéissance, la lumière des bonnes actions, vers pour les emmener dans les ténèbres des péchés, les ténèbres de la désobéissance. Voici ceux qui seront les habitants de l'enfer et ils demeureront éternellement. Donc Allah Azza wa Jalla a divisé ses serviteurs en deux. Qassam Allah Azza wa Jalla ibadahu ila qismayn, ila awliya'ihi wa a'da'ihi. Il a divisé ses serviteurs en deux, les alliés et les ennemis. Toi, le croyant, qu'est-ce qui t'est demandé de faire si vraiment tu aimes Allah? De prendre en allié les alliés d'Allah et en ennemi les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. L'anse la plus solide de la foi, l'anse yani la corde la plus solide sur laquelle tu peux t'accrocher de la foi, c'est le fait de prendre en allié les alliés d'Allah, en ennemi les ennemis d'Allah, d'aimer pour Allah et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. La septième question, as-su'al as-sabi'. Et nous, on a dit que toutes les questions, elles se suivent. Maintenant qu'on a compris les signes qui montrent que la personne aime Allah, azza wa jal, il y a une question qui vient, cette question: bimadha arafa al-ibad ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Comment les serviteurs d'Allah peuvent connaître ce qu'Allah aime et ce qu'Allah agrée? Parce qu'on est en train de parler de l'ibada, de l'adoration. Et on a dit que l'ibada, c'est ce qu'Allah aime. Comment je fais moi pour savoir qu'Allah aime une chose? Qu'est-ce qui peut me répondre? Quran. Barakallah fiqh. Une deuxième chose. Barakallah fiqh. J'aime bien les réponses rapides comme ça. On ne perd pas de temps. Et c'est clair, inshallah. Donc, comment on peut savoir qu'Allah aime quelque chose? Dans le Coran. Comment on peut savoir qu'Allah aime quelque chose? Dans la sunnah. Et ça, c'est la base du musulman. Le musulman, il revient toujours au Coran et à la sunnah. Et il a besoin de rien d'autre que ça. Parce que le Coran et la sunnah, c'est wahi, une révélation qui vient d'Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui sait plus qu'Allah. Allah a dit dans le verset, wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Et au-dessus de chaque savant, il y a quelqu'un de plus savant encore. Et Allah, il est au-dessus de tous les savants. Donc, quand tu veux savoir quelque chose, tu reviens à Allah, celui qui est au-dessus de tous les savants, le créateur des savants. سبحانه وتعالى الجواب لا ريبونس عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. لا ريبونس les serviteurs d'Allah savent qu'Allah aime une chose par l'envoi des messagers et par la révélation des livres, dans lesquels Allah nous ordonne de faire ce qu'il aime et nous interdit de faire ce qu'il déteste. Et par l'envoi des livres et la révélation des messagers, les serviteurs d'Allah n'ont plus d'arguments. Ils ne pourront plus se défendre le jour du jugement dernier. Ils ne pourront plus dire: ya Allah, je ne savais pas, je ne savais pas. Là, Allah Azza wa Jal, il a révélé les livres et il a envoyé les prophètes, et la preuve elle est claire. Plus personne ne pourra dire le jour du jugement dernier: je ne savais pas, et Allah, je ne savais pas. Donc pourquoi il nous donne cette réponse là parce que dans les questions précédentes, il nous a enseigné, il nous a appris qu'Allah Azza wa Jal, il nous a créé pour l'adorer. Et là, par cette réponse, il veut nous dire: ne croyez pas qu'Allah Azza wa Jal vous a créé pour l'adorer et après ça il vous a laissé décider vous comment vous allez l'adorer, et où vous a laissé choisir vous comment vous allez l'adorer. Yarhamukallah. Allah Azza wa Jal ne nous a pas lam yakil la ila anfusina wa lam yakil amra al-ibada ilayna lam yaj'alhu ilayna bal arsala ar-rusul wa anzala al-kutub hatta yu'allimana kayfa na'budu Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal ne nous a pas laisser réfléchir et inventer comment on va l'adorer. Là, il nous a envoyé des prophètes et il nous a fait descendre des livres. Il a fait descendre des livres et il a envoyé des gens qui nous expliquent ces livres-là. Et le dernier des livres, c'est le Coran, et le dernier des prophètes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour savoir quand est-ce qu'Allah aime une chose ou quand est-ce qu'Allah n'aime pas une chose, tu dois regarder dans le dernier livre qui est le Coran et dans le dernier prophète, dans la sunna du dernier prophète qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, il n'y a plus d'argument, tu ne peux plus te défendre yawm al-qiyamah. Al-dalil ala dhalik, qala Allah ta'ala, rusulan mubashirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Allah a dit dans le verset de sourate An-Nisa 165, Allah a dit dans ce verset: des prophètes, des messagers que nous avons rendu annonciateur et avertisseur, c'est-à-dire يُبَشِّرُونَ النَّاسَ بِالْجَنَّةِ إِذَا هُمْ أَطَاعُوا اللَّهَ وَيُنذِرُونَ النَّاسَ عَنِ النَّارِ يُخَوِّفُونَهُمْ مِنَ النَّارِ إِذَا هُمْ عَصَوُا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. Les prophètes annoncent la bonne nouvelle aux gens qu'ils entreront au paradis s'ils obéissent à Allah. Et ils avertissent les gens en les mettant en garde contre le feu de l'enfer s'ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis dans la suite du verset, Allah a dit afin que les gens n'aient plus d'arguments après l'envoi des messagers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Allah il a envoyé les prophètes, tu ne peux plus dire je ne savais pas, c'était à toi de chercher. C'était à toi d'ouvrir le Coran et de chercher ce qui est halal et ce qui est haram. C'était à toi de savoir comment prier. C'était à toi de chercher comment faire les ablutions, etc., etc. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. Et Allah a dit, donc dans le verset qu'on a cité avant, sourate Ali Imran, verset 31, Allah a dit à son prophète, dit, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi donc alors. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. Donc, quand est-ce qu'on voit qu'Allah Azza wa Jal aime une chose ou pas? Par l'envoi des prophètes. Et par la révélation des livres. C'est-à-dire le Coran et la Sunna. Su'al thamin. La huitième question. Kam shurut al-ibada? Combien sont les conditions de l'adoration? Ma ma'na shurut al-ibada? Qu'est-ce qui veut dire par les conditions de l'adoration? À la base, quand on dit les conditions de l'adoration, al-asl anna ma'na hadha al-kalam shurut qabul al-ibada. C'est-à-dire à la base, ça veut dire les conditions pour que l'ibada soit acceptée. On est toujours en train de parler de l'ibada depuis le début du livre. Et celui qui comprend bien tout ça, il sort avec une grande faïda. Il sort avec une grande leçon. Donc, ici, quand il nous dit combien sont les conditions de l'adoration, dans la réponse, il nous dit thalatha. Elles sont au nombre de trois. On va lire sa réponse, après on va expliquer. Al-awwal, la première, sidqul azima, wa huwa shartun fi wujudiha. La véracité. Dans, comment c'est écrit en français, Ibrahim? La sincérité de la résolution. On va dire le fait de faire, d'avoir la pleine résolution. La pleine envie, la véracité, la pleine envie, ouais, comme je dis là, la pleine envie, la véracité pour faire cette chose là. Et c'est une condition pour que l'acte soit présent. On va expliquer tout ça. La deuxième, ikhlas an-niyya. La deuxième, la sincérité dans l'intention. La troisième, موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به. Être en accord avec la législation d'Allah. Être en conformité avec l'ordre d'Allah Azza wa Jal. L'ordre au sujet duquel Allah Azza wa Jal a ordonné qu'on ne suive pas autre que celui-là ou que celui-ci. وهما أي الثاني والثالث شرطان fi qabulha. Et la deuxième et troisième condition qu'on vient de citer sont des conditions pour l'acceptation. Donc maintenant on a compris que quand il dit les conditions de l'adoration, il nous a donné les conditions pour faire une adoration, et il y en a qu'une, et les conditions pour que l'adoration après ça elle soit acceptée, il y en a deux. Donc quand tu veux faire une adoration, la première chose qu'il te faut, as-sidq fi al-azima, il faut que tu aies la pleine résolution de faire ça. C'est-à-dire que tu sois véridique et que tu aies vraiment envie de faire cette chose-là. Pourquoi? Parce que les munafiqun, comme on va le voir après dans le livre, les hypocrites, ils font des salawat, mais ils n'ont pas cette pleine envie de faire ça. Et Allah Azza wa Jal, quand il a parlé d'eux, il a dit qu'ils sont paresseux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie en vérité. Et lorsqu'ils se lèvent à la prière, ils se lèvent paresseux. Ils se lèvent paresseux. Ils veulent que les gens les voient. Et ils n'évoquent Allah que très peu. Donc, le croyant, lui, il doit avoir envie. Quand il fait une adoration, il doit avoir envie, une envie pleine de la faire. Il doit être véridique dans ça. Et la deuxième et la troisième adoration, la deuxième condition et la troisième, c'est pour qu'elle soit acceptée. Donc la première condition, c'est pour faire l'acte. Quand tu veux aller faire, il te faut le sitr. C'est pas la décision. La azima, non, la azima, c'est la foule. Yazem, c'est. Voilà, barakallahu fik, exactement, la détermination. Exactement, la détermination, mais ma'na que. Il est vraiment déterminé, ça y est, il veut plus faire autre chose, il veut faire ça. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Lorsque tu es déterminé, ça y est, tu veux faire la chose, place ta confiance en Allah. Alaykum salam, azza wa jal. Donc la deuxième et la troisième condition sont les conditions pour qu'Allah accepte de toi cette adoration. La deuxième, donc c'est-à-dire la première condition d'acceptation. إِخْلَاسُ النِّيَّ. La sincérité envers Allah. ما معنى هذا ماذا تريد أنت بصلاتك ماذا تريد أنت بحجك ماذا تريد أنت بزكاتك qu'est-ce que tu veux lorsque tu pries qu'est-ce que tu veux lorsque tu accomplis la lorsque tu payes la zakat qu'est-ce que tu veux lorsque tu fais le pèlerinage qu'est-ce que tu veux tu dois vouloir que la récompense d'Allah que la satisfaction d'Allah Azza wa Jal comme on va le voir après la troisième condition C'est-à-dire la deuxième condition pour qu'Allah t'accepte tes actes, c'est quoi? C'est que lorsque tu fais cette adoration, tu dois la faire exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a faite. Le prophète alayhi wa sallam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Ma qala sallu faqat. Il n'a pas dit prier, c'est tout. Parce que ça ne suffit pas juste de prier. Si tu pries d'une façon différente à celle du prophète alayhi wa sallam, ta salat n'est pas acceptée. C'est-à-dire que si tu fais une chose qui change ta prière elle n'est pas acceptée. Donc tout ce que tu fais quand tu fais des adorations, tu dois les faire conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant qu'on a vu ces trois conditions, as-sidq wal-ikhlas wa muwafaqatu sunnah, c'est-à-dire la détermination, la sincérité et être en accord avec la sunna, les trois questions qui vont venir, elles nous posent ou elles nous parlent de justement ces trois choses-là. La neuvième question. Il reste combien de temps? 3 minutes. La neuvième question. Ma huwa sidq al-azima. La neuvième question. Quel est le sens de la détermination? Qu'est-ce que ça veut dire être déterminé? Puisque vous êtes en train de nous dire que c'est une condition pour faire une adoration. Maintenant, expliquez-nous. C'est pour ça qu'il a mis cette question. Al-Jawab, la réponse. Huwa tarku at-takasuli wat-tawani wa badlu al-juhdi fi an yusaddiqa qawlahu bi-fi'lihi. Et il nous explique en disant le fait de délaisser la paresse et de ne plus être paresseux et fainéant et de faire des efforts pour faire des actes qui vont montrer que notre parole elle est vraie. D'accord? Le délaissement de la paresse et l'accomplissement d'actes qui vont montrer qu'on est véridique. Al-Muhim, vous écrivez pas tout ça là. Ceux qui écrivent, écrivez pas tout ça, mais juste comprenez d'abord. Vous avez compris? Quelqu'un qui a la détermination, c'est quelqu'un qui fait l'acte. Et cet acte-là, il prouve que sa parole, elle est vraie. Quand il a dit j'aime Allah, ou il a dit j'aime la prière, comment on va voir qu'il aime la prière? Il est déterminé, il prie à l'heure, il prie à la mosquée. Il se lève le matin, il ne fait pas le fainéant. Comme ceux qui se lèvent à 10h du matin, ou comme ceux qui se lèvent à 11h, ils n'ont aucune honte d'Allah, Azza wa Jal. Il se lève à 10h du matin, wal-iyadu billah, et il prie comme un coq. Celui-là, il n'est pas sadiq ma'allah, abadan. Il n'est pas déterminé, il n'a pas de véracité, il n'est pas véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est véridique avec Allah, celui qui se lève à la prière et il prie à l'heure pour Allah azza wa jalla. Comment quand son patron il l'appelle, il court, il est prêt à traverser la terre pour aller travailler. Et quand tu dis c'est l'heure de la salat, il dit j'ai mal au dos et la mosquée elle est loin. Il n'est pas sadiq avec Allah azza wa jalla. Qala Allah ta'ala, Allah a dit: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله dit dans sourate As-Saff, le rang, versets 2 et 3: Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Pourquoi vous dites j'aime Allah et vous ne priez pas? Pourquoi vous dites j'aime pas la dunya et vous ne payez pas la zakat? Pourquoi vous dites c'est mon rêve de faire le hajj et vous ne le faites pas? Pourquoi vous dites c'est pas bien de mentir et vous mentez? Pourquoi vous dites qu'il faut obéir à Allah et vous désobéissez à Allah? Kabura maqtan 'inda Allah, ay Allah yakrahu hadha wa yamqutu hadha maqtan 'azima. Allah azza wa jalla déteste ça. Déteste énormément ça qu'on dise ce qu'on ne fait pas. Donc cette neuvième question était: qu'est-ce que veut dire la détermination ou la véracité? La réponse, ça veut dire délaisser la paresse et mettre en pratique des actes qui montrent qu'on est véridique, parce que Allah déteste qu'on dise une chose qu'on ne fait pas. La suite, on reprendra à partir de la dixième question qui aura pour sujet ma ma'na ikhlas niyya, qu'est-ce que veut dire la sincérité dans l'intention, samedi prochain inshallah. Wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم.